Denis. Alors, je vais m'interroger dans cet exposé sur une opposition qui est devenue prépondérante dans le domaine, pas tellement de la philosophie des sciences sociales, en l'occurrence plutôt dans le domaine de la philosophie de l'esprit, mais avec des retombées du côté de la philosophie des sciences sociales, opposition entre ce qu'on appelle internalisme d'un côté, externalisme de l'autre, mais parfois aussi individualiste d'un côté et externaliste de l'autre, étant entendu d'ailleurs que c'est, comme je vais le montrer, ces deux oppositions ne se recoupent pas totalement. En tout cas, depuis un certain nombre de décennies, des approches de l'esprit ont été proposées, approches dont le trait commun est de soutenir que l'importance des liens entre le contenu mental d'un côté et l'environnement physique ou social de l'autre, l'importance donc de ce lien, a été régulièrement sous-estimée. Et il est d'usage de qualifier les approches qui partent de ce constat d'externalistes et de voir leur acte de naissance dans le célèbre article de Putnam publié en 1975, cet article qui s'appelait « The Meaning of Meaning ». On pourrait aussi évoquer le rôle de Kripke qui était arrivé à la même époque à des résultats comparables à ceux de Putnam par des voies un peu différentes, mais ce n'est pas le sujet ici. Comme on le sait, les doctrines externalistes conduisent à la conclusion selon laquelle un sujet peut, en un sens, ne pas savoir ce qu'il pense, non point parce que sa pensée serait retranchée dans les méandres de son inconscient, mais parce que le contenu de celle-ci dépend de traits de l'environnement, éventuellement inconnu, ignoré du sujet lui-même. Pour reprendre une remarque qui a parfois été faite lorsqu'on présente ce genre de démarche philosophique, on en arrive ainsi à une forme décalée de doute cartésien. En effet, ce n'est pas que le sujet sache de façon indubitable ce qu'il pense tout en étant dans l'incertitude quant à l'existence de ce sur quoi porte sa pensée. C'est plutôt qu'il se trouve dans cette perspective dotée de contenus mentaux qui dépendent, alors de comment, c'est précisément le point à élucider, et qui dépendent de son environnement et qu'il n'est pas exclu, qu'il ne comprenne pas ou seulement de façon incomplète les contenus en question. On peut hésiter sur le nom à donner aux perspectives opposées à l'externalisme tel qu'il vient d'être esquissé, mais c'est un fait que l'opposition externalisme d'un côté et internalisme de l'autre fait désormais partie des distinctions reçues chez les philosophes de l'esprit, en particulier ceux qui sont d'orientation analytique. Comme ce qui a été dit à l'instant le suggère, cette opposition porte sur la façon dont on conçoit la responsabilité que le sujet est supposé avoir vis-à-vis de ses contenus mentaux. Par internalisme, on entend donc fréquemment une perspective selon laquelle 1. Le sujet est en principe capable, par l'exercice de la réflexion, par une introspection spontanée ou dirigée, de dire quelles sont ses pensées, et 2. Les contenus mentaux sont par ailleurs internes au sens où ils ne présupposent l'existence d'aucun individu autre que celui dont ils sont les contenus. L'autre grand auteur du courant externaliste, autre que Putnam, donc, est un Américain également qui s'appelle Tyler Burch. Et Burch prend, lui, plutôt pour cible des doctrines qu'il qualifie justement d'individualistes. Il écrit dans son article séminal qui date de 1979 et qui s'appelle Individualism and the Mental, il dit la chose suivante, je le cite, « Je cherche à conserver à ce terme, individualisme, un sens un peu vague. Mais en gros, j'entends l'appliquer aux approches philosophiques qui cherchent à voir ultimement les phénomènes mentaux, intentionnels d'une personne dans ce qui se produit en elle, dans ses réactions à l'environnement physique, sans aucune référence au contexte social dans lequel elle se trouve, elle, la personne, ni au contexte social de l'interprète. » Les deux notions, internalisme et individualisme, s'avèrent proches, mais les choix terminologiques résultent d'une différence de stratégie de priorité. Burch pense que les doctrines qu'il baptise individualistes se sont avérées incapables de thématiser le rôle joué par l'environnement, et en particulier par les conventions sociales, dans la détermination du contenu de l'esprit. Son externalisme est donc avant tout sociolinguistique, pour lui accoler une étiquette provisoire. Il soutient que le contenu mental peut changer uniquement du fait de changements dans les conventions en question, donc je reprendrai l'exemple qu'il donne, enfin un des exemples qu'il donne ensuite, et cela sans que l'individu entendu en tant que siège de la conscience ou lieu d'un mécanisme causal en soit en aucune façon altéré. Parmi les doctrines individualistes, Burch range aussi bien la psychologie philosophique d'inspiration cartésienne que le fonctionnalisme, enfin un fonctionnalisme au sens où cette notion est utilisée en philosophie de l'esprit, au sens où Fodor est fonctionnaliste, par exemple. Et donc, par fonctionnalisme ainsi compris, il convient d'entendre l'entreprise visant à purifier la théorie psychologique, je cite Burge à nouveau, des caractères mentaux et intentionnels, en vue de leur substituer des caractères causaux ou fonctionnels internes. Le fonctionnalisme fait grand cas, on le sait, de l'analogie informatique, mais Burge, l'analogie entre l'esprit et un ordinateur, mais Burge observe que les théories des psychologues cognitifs, y compris celles qui accordent une grande place à l'analogie avec l'ordinateur, ne sont pas d'ordinaire purifiées de la terminologie mentaliste ou intentionnelle. C'est-à-dire qu'un fonctionnalisme serait totalement satisfaisant si on arrivait à substituer un langage théorique causal et fonctionnel au langage intentionnel ordinaire, au sens où on dit que nos croyances, nos désirs sont intentionnels. Mais précisément, le fonctionnalisme repose, explique Burge, sur une erreur métapsychologique, précisément parce qu'il ne parvient pas totalement à éliminer ce qu'il continue du coup de présupposer. Et par erreur métapsychologique, il faut entendre une erreur qui porte sur ce à quoi une explication psychologique peut prétendre. Burge estime au fond que le fonctionnalisme, à cet égard, n'est rien d'autre que la continuation du behaviorisme par d'autres moyens. Quant au behaviorisme proprement dit, il y voit la tentative la plus remarquable au XXe siècle pour remplacer le modèle cartésien traditionnel, et il remarque « Aucune analyse se basant sur des dispositions purement individuelles au comportement n'est en mesure de donner une définition analytique d'un attribut de contenu mental, car nous pouvons concevoir un définiens comportemental qui s'applique cependant que le définiendum mentaliste ne s'applique pas. » Bon, les exemples sont faciles à trouver. Si vous réduisez la douleur au comportement ou à la disposition au comportement de douleur, vous pouvez très bien dire qu'il y a une disposition au comportement de douleur chez un acteur qui contrefait la douleur, etc. Donc on peut avoir le définiens comportemental sans le définiendum mentaliste, et du coup on est amené à dire que la loi de réduction qu'on propose est valable avec des exceptions, ou si justement on n'a pas affaire à un acteur, si on n'a pas affaire à un simulateur, etc. Et donc en fait on ne s'en sort pas. Le projet behavioriste, en particulier sous sa forme logique, a consisté à réduire les attributions mentales, X croit que P, désir que P, etc., à, comme je le disais, des attributions portant sur des dispositions comportementales. À partir du moment où son ambition a été d'exténuer tout ce qu'on peut tenir pour interne, il serait étrange de le considérer comme une forme d'internalisme. En revanche, il convient de le compter parmi les démarches individualistes, au sens de Burge, dans la mesure où il s'intéresse aux entrées et aux sorties du sujet, aux inputs, aux outputs, comme on dit dans le jargon, du sujet pris isolément. Enfin, Burge compte aussi parmi les doctrines inspirées par des prémices individualistes le programme de Grice en philosophie du langage, et son ambition de rendre compte de la signification non naturelle, parce que Grice ne dit pas conventionnelle, hein, une signification peut être non naturelle, un geste par exemple peut signifier de façon non naturelle quelque chose sans être exactement le fruit d'une convention, donc Grice dit non naturelle, et il prétend rendre compte de cette signification non naturelle en termes de croyance, d'intention individuelle et de savoir mutuel. Probablement, Burge a-t-il en tête une remarque faite par Grice dans son article de 1957 qui s'appelle « Meaning » et la remarque en question est à la page du volume qui s'appelle « Studies in the Way of Words » qui reprend entre autres cet article, à la page 222. Et dans ce passage, Grice dit la chose suivante, qu'un locuteur 1 est supposé avoir l'intention d'exprimer ce qui est normalement exprimé, premièrement, et deux, et il dit que nous avons besoin d'une bonne raison pour accepter l'idée qu'un usage particulier diverge de l'usage général. Et donc, sur ces deux points, Burge remarque la chose suivante, la normalité est ici jugée en fonction des standards institués par les conventions communes. De sorte que stipuler que les individus dont les états mentaux sont utilisés pour définir la signification conventionnelle sont d'une normalité appropriée n'évitera pas la circularité. Donc il reproche au programme de Grice d'être implicitement circulaire. Et il s'emploie en fait explicitement à enfermer Grice dans un cercle et pointe en conséquence que ce dernier cherche à expliquer la signification non naturelle en mettant à contribution les états mentaux individuels des locuteurs, et qu'il lui faut du coup, comme on le voit, stipuler la normalité de ces derniers, puisque leurs états sont supposés expliquer la signification en tant qu'elle est non déviante. Et c'est cela même qui le conduit à faire intervenir une notion, celle de normalité précisément, qui ne se comprend qu'en relation avec des standards linguistiques, en l'occurrence collectifs. Si Burge a raison, non seulement il est impossible de rendre compte de la signification non naturelle sur la base d'intentions et de croyances individuelles, mais c'est même l'option strictement opposée qui constitue le programme véritablement viable. Il est indispensable, si l'on veut spécifier ce en quoi consiste la pensée d'un individu, sur tel ou tel point, de s'adosser aux conventions linguistiques communes qui fixent le contenu des notions qu'il mobilise dans le cadre de ses attitudes propositionnelles. Les attitudes propositionnelles étant le croire que, penser que, désirer que, etc. La suite du présent exposé cherchera donc à examiner de manière détaillée les récriminations de Burge contre l'individualisme et de voir dans quelle mesure son anti-individualisme conduit à redessiner la frontière entre le mental et le social. Sur ce dernier point, je me bornerai à une remarque d'ailleurs. La première étape de cette démarche consistera à distinguer l'externalisme physique et l'externalisme au sens de Burge, c'est-à-dire social. L'externalisme physique étant plutôt celui de Putnam, pour aller vite. Alors, précisément, comme entrer dans le problème dont nous allons parler, les critiques avancées au sein de l'externalisme lui-même, donc par Burge contre Putnam, constituent une entrée appropriée. Burge attache beaucoup d'importance au fait que l'expérience de pensée qu'il présente et que je raconterai tout à l'heure a une portée beaucoup plus vaste de celle dont il est fait état dans l'article de Putnam dont vous vous rappelez. Peut-être, hein, Putnam imagine une terre jumelle où il y a chacun de nous a son jumeau, sur cette terre jumelle, il y a tout est semblable à ce qui se passe sur Terre, à ceci près que l'eau n'est pas en réalité de l'eau, mais une substance phénoménalement semblable à l'eau, donc même stéréotype, même représentation mentale, c'est liquide, c'est transparent, c'est plutôt incolore, inodore. On trouve même de l'eau jumelle salée, éventuellement on peut poursuivre l'analogie assez loin, mais sauf que la formule de l'eau jumelle, qui donc n'est pas de l'eau, et c'est, pour la résumer, de l'XYZ et pas H2O. Hein. Et Putnam se sert de cet exemple pour montrer qu'il y a, je vais le dire dans un instant, un élément indexical non seulement dans les noms propres, mais dans les termes d'espèces naturelles comme eau, aluminium, molybdène, etc. Alors, l'idée de Putnam, il faut avoir à l'esprit que l'expérience de pensée de Putnam et les considérations sémantiques qu'il développe concernent uniquement les termes d'espèces naturelles. Alors, ce que dit Burge une portée plus large, ça ne s'arrête pas à une catégorie de termes. Donc s'agissant de ces termes d'espèces naturelles, je viens de donner quelques exemples, eau, molybdène, orme, etc., il affirmait, donc Putnam, que leur intention, autrement dit la représentation mentale, le stéréotype qui leur correspond, ne détermine pas leur extension, puisque les deux sujets, moi-même si vous voulez et mon jumeau sur Terre jumelle avant le même stéréotype à l'esprit, mais néanmoins eau et eau jumelle ne sont que des homonymes puisque leur extension diffère. Dans un cas l'extension c'est tout ce qui est de l'H2O et dans l'autre c'est tout ce qui est de l'XYZ pour reprendre ce que je disais tantôt. Donc l'intention ne détermine pas l'extension, là c'est un rappel, ce sont des choses connus, au moins de ceux qui fréquentent cette littérature. Et Putnam, on se le rappelle sans doute aussi, a encapsulé sa thèse dans la formule bien connue « Meanings ain't in the head », les significations ne sont pas dans la tête, et conclut que tout fragment d'eau devait nécessairement se trouver dans une relation même liquide qu'eux, avec ce que nous appelons « eau » ici, dans le monde réel. « Eau » comporterait donc, à le lire, un élément indexical, et l'eau jumelle située sur une terre elle-même jumelle est dotée donc de la formule chimiques différentes que j'évoquais ne seraient pas de l'eau. Alors, il y a d'assez grandes similitudes entre Burge et Putnam dans la démarche, mais comme je le disais, Burge, lui, ne se limite pas à la considération d'une catégorie de mots, et sa thèse se fonde surtout sur le fait que des attitudes propositionnelles, une fois encore, croire que, penser que, etc., peuvent être littéralement attribuées à quelqu'un, lorsqu'on décrit ce que quelqu'un pense, croit, désire, etc., quand bien même la notion intervenant dans le contenu de l'attitude n'est qu'incomplètement ou incorrectement comprise par l'intéressé. Son argument tourne donc autour de l'idée de compréhension incomplète. On peut dire littéralement de quelqu'un qu'il pense avoir conclu un contrat, quand bien même celui-là même à qui on attribue cette pensée restreint abusivement la notion de contrat au contrat écrit. Il serait étrange de supposer que dans son contenu d'attitude propositionnelle figure une notion alternative qu'on pourrait appeler « et contrat », un peu comme on appelle l'eau sur terre jumelle, l'eau jumelle, qui en fait serait la même chose qu'une notion de contrat, mais restreinte au contrat écrit, et dont il aurait une compréhension correcte. Birch remarque que ce phénomène de compréhension incomplète est endémique, dit-il, à l'âge pluraliste qui est le nôtre. On pourrait tout aussi bien prendre comme exemple, ce sont les siens en fait, filet. Je vais acheter du filet chez le boucher, mais je vais vous expliquer vraiment ce qu'est le filet. Récession, sonate, daim, gothique, carburateur, fermentation, amplificateur. Donc il y a des termes d'espèces naturelles, il y a des termes dénotant des artefacts. Donc là on voit clairement que ce phénomène compréhension incomplète ou incorrecte qu'il pointe n'est pas limité à tel ou tel type de terme. Et donc les mots que nous ne comprenons qu'imparfaitement sont aussi courants que la pluie. Là où sa théorie croise celle de Putnam elle-même, Birch diffère dans son traitement des termes d'espèces naturelles. Il admet sans réserve l'idée que l'eau jumelle n'est pas une sorte d'eau, mais juge obscure l'idée selon laquelle ces termes pourraient être indexicaux, et estime même que cette conception conduit à une conclusion opposée au but poursuivi par Putnam. Donc là, je vous épargne la citation pour gagner du temps. En fait, le point central pour Birch est celui-ci. Il y a une assimilation entre indexicalité, j'appelle ceci de l'eau, en montrant le contenu de cette bouteille par exemple, et rigidité, la notion de rigidité étant utilisée ici pour désigner le fait qu'un terme désigne la même dénotation ou la même extension dans tous les mondes possibles. Donc Birch est d'accord avec Putnam pour dire que le terme eau est rigide et que donc en effet sur terre jumelle c'est pas de l'eau, mais refuse d'expliquer ou d'associer, d'articuler rigidité et indexicalité. Bon, alors le propre de l'expérience de pensée de Birch, c'est qu'elle vise à mettre en évidence la dépendance des contenus mentaux par rapport aux normes linguistiques en vigueur dans une communauté. Ce sont les considérations qu'il tire de cette expérience qui l'amènent à critiquer l'individualisme qu'il décèle chez d'autres. Alors, l'expérience principale qu'il évoque est la suivante. Elle consiste, comme le fait Putnam, à imaginer deux situations, l'une réelle, l'autre contrefactuelle. Dans la situation réelle, un patient exprime devant son médecin son inquiétude touchant ce qu'il tient pour l'extension à ses cuisses de l'arthrite dont il souffre aux articulations. Le médecin lui répond que cette extension est impossible dans la mesure où l'arthrite ne se produit qu'aux articulations, ou autrement dit, le terme arthrite n'a dans son extension que des pathologies qui se produisent aux articulations. Ça, c'est la situation réelle ou effective. Dans la situation contrefactuelle, le médecin lui répond, en effet, on parle aussi d'arthrite pour des douleurs semblables à celles qui surviennent aux articulations, mais se produisant dans les bourses, dans les muscles, etc. Donc là, la situation alternative a la même fonction que la fiction de terre jumelle chez Putnam. On pourrait d'ailleurs tout à fait imaginer que le second médecin là, et le second patient se trouvent sur terre jumelle. En amont de la visite chez le médecin, les deux patients ont eu exactement les mêmes expériences, la même histoire personnelle, rien ne les distingue physiquement ou psychologiquement. Cependant, l'on doit attribuer à un contenu mental incorrect, puisqu'il étend abusivement une notion et par voie de conséquence une croyance fausse, et à l'autre une croyance vraie, en l'occurrence. La seule chose qui change entre la situation réelle et la situation contrefactuelle est l'environnement social, et le patient contrefactuel ne peut plus se voir attribuer aucune attitude propositionnelle faisant intervenir la notion d'arthrite en position oblique, donc enchâssée dans un verbe d'attitude propositionnelle. Par commodité, nous dirons désormais que ces contenus d'attitude font intervenir une notion alternative et homonyme que pour les besoins de la cause nous appellerons tartrite, pour la distinguer de l'arthrite, la vraie, celle qui est que dans les articulations. Et la tartrite recouvre tout à l'inverse des pathologies qui peuvent s'étendre en dehors des dites articulations. Birch se demande au fond comment on peut être sûr que le patient et son médecin ont le même contenu de croyance, autrement dit la même notion d'arthrite. Les prémices individualistes n'assurent pas réellement que le patient ne puisse pas avoir une notion d'arthrite totalement déviante par rapport à celle de son interlocuteur. Si elles y parviennent, c'est en présupposant tacitement la détermination du contenu mental par les standards collectifs. Seul, explique-t-il, la responsabilité de chacun face au standard commun, c'est son expression, et surtout le fait que les standards en question concourent à la détermination de ce que pense le sujet, même là, une fois encore, où la notion n'est pas entièrement comprise par lui, alors cela seul fournit la garantie recherchée. Donc deux points sont à retenir au fond. Premièrement, du point de vue de Burge, là c'est pas une opinion que j'exprime, le simple changement dans les standards d'utilisation d'un terme modifie le contenu des attitudes propositionnelles dont l'expression met en jeu ce terme. Une croyance fausse portant sur de l'arthrite dans les cuisses devient une croyance vraie portant sur la tartrite dans les cuisses. Et deuxièmement, il est normal de contribuer à attribuer au patient, littéralement, dans la situation réelle, la croyance fausse qu'il a de l'arthrite dans les cuisses, quand bien même il comprend cette notion assez mal pour croire que l'arthrite peut surgir ailleurs que dans les articulations. Pour justifier sa thèse, Burge avance une série d'arguments que je ne vais pas reprendre intégralement, qui visent en particulier à écarter ce qu'il appelle les réinterprétations objectuelles de son expérience de pensée, c'est-à-dire la réinterprétation consistant à attribuer au locuteur, au lieu et place de la notion mal comprise, une notion alternative bien comprise, à l'image de celle qu'aurait le sujet si seulement il était dans la situation contrefactuelle, évoquée plus haut. Il observe d'abord que, premièrement, nous ne cherchons pas normalement à attribuer des contenus objectuels véridiques aux victimes d'erreurs procédant d'une compréhension incomplète. C'est-à-dire quand nous interprétons ce que fait quelqu'un qui dirait ça, j'ai de l'arthrite dans les cuisses, nous ne pensons pas spontanément qu'il a à l'esprit une notion alternative. Nous pensons qu'il a la même notion que nous, sauf qu'il la comprend mal. Donc ça c'est le premier argument. Deuxième argument, qui plus est, nous voyons souvent le sujet partager des croyances avec d'autres qui comprennent mieux les notions concernées. Donc ça, un argument qui va dans le même sens. Et troisièmement, de surcroît, lorsqu'on le corrige, le sujet lui-même ne dit pas que ses vues ont été mal comprises et qu'il mobilise une notion alternative qu'il maîtrise parfaitement. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'argument de la sincérité, les aveux de la personne que l'interroge. Au contraire, il reconnaît son erreur, change de vue et abandonne cette erreur conceptuelle. Par exemple, si on lui montre un dictionnaire et on lui dit « Regarde mon vieux, l'arthrite, ça va pas dans les cuisses, arrête de dire n'importe quoi ». Burge avance également différents arguments contre une réinterprétation métalinguistique de son expérience de pensée, laquelle consisterait à dire « Le sujet qui se trompe sur l'extension d'arthrite aurait en fait une croyance métalinguistique portant sur le fait que le terme « arthrite », mis entre guillemets, s'applique aussi aux douleurs, aux cuisses ». Et relève en particulier que le raisonnement métalinguistique suppose une certaine conscience de soi portant sur ses propres mots de la part du sujet. Et tout cela a émergé bien tard au cours de l'histoire humaine. Bon, donc les erreurs conceptuelles du type que décrit Burge existaient bien avant. En résumé, du fait qu'un sujet signifie quelque chose de différent par un terme, que ce qu'il est normal de signifier par le dit terme, il ne s'ensuit pas que le terme en question ne saurait être utilisé pour décrire littéralement ses états psychologiques, ses croyances, ses désirs, ses intentions, etc. Mais remarquez que l'on peut utiliser littéralement un terme pour décrire les états mentaux de quelqu'un, quand bien même ce quelqu'un ne comprend le dit terme qu'incomplètement, est différent de soutenir que l'on doit décrire le dit contenu à l'aide de ce même terme pris littéralement. La manière dont doit s'effectuer la transition des conventions linguistiques collectives appliquées dans le cadre des attributions de croyances au contenu de ces mêmes croyances doit donc être examinée plus précisément, et ce sera le dernier point que j'examinerai. À l'époque où il écrit les articles que nous commentons, Burge ne voit pas son externalisme comme une menace contre ce qu'il est d'usage d'appeler maintenant l'autorité de la première personne, c'est-à-dire l'autorité discrétionnaire qu'on suppose spontanément et que nous nous soupçonnons à nous-mêmes pour témoigner de nos états de croyance, de nos pensées, etc. Il semble qu'à l'époque, son idée était que l'autorité en question serait vraiment menacée si le sujet ne comprenait pas du tout les notions impliquées dans ses contenus d'attitude propositionnelle. Or, son argument, on l'a vu, fait seulement jouer la notion de compréhension incomplète. Certains auteurs ont au contraire considéré que le type de relation que Burge envisage entre les contenus mentaux et les standards linguistiques de la collectivité menace gravement cette autorité. C'est le cas d'un auteur comme Davidson, par exemple. On voit bien, à la lumière de ce qui précède, que le problème réside dans la manière dont la locution « relation de dépendance vis-à-vis de l'environnement » est comprise. Si l'on suit la perspective externaliste, une bonne compréhension du concept de contenu de croyance conduit à voir qu'un tel contenu dépend d'une réalité extérieure au porteur de la dite croyance, et une fois encore éventuellement inconnue de ce dernier. Par ailleurs, la dépendance ainsi établie sur un plan général recouvre une dépendance causale entre tel contenu de croyance particulier et l'environnement. C'est ce qui fait que quelqu'un sur Terre a des croyances d'eau et pas des croyances d'eau jubelle. Un tout contenu de croyance se trouve donc ainsi inscrit dans une histoire causale. Ainsi, dans l'expérience de pensée de Birch, les conventions linguistiques, qui d'un certain point de vue constituent plutôt des raisons de dire que le terme arthrite est employé incorrectement par le patient, mais par ailleurs, le fait que ces conventions sont ce qu'elles sont est aussi vu comme la cause du fait que le patient a un contenu mental incorrect. Il est facile de montrer que nous employons un grand nombre de termes de notre langage de façon correcte, nous ne nous trompons pas sur leur extension, sans être en mesure d'exprimer les conventions fixant leur usage, et donc sans être en mesure d'en donner une définition ou une interprétation correcte. Là, c'est un des rares arguments que j'emprunterai dans cet exposé à un auteur sur lequel j'ai travaillé, qui est Wittgenstein. Hein, Wittgenstein dit qu'une possession d'une capacité n'entraîne pas celle d'une capacité supérieure. Je peux avoir la capacité de me promener dans Paris sans me tromper et être tout à fait incapable de dresser un plan correct du quartier où je me promène. De la même façon, je peux employer de façon appropriée un terme et être tout à fait incapable d'en donner une interprétation ou une définition appropriée. Personne ne doute que les conventions linguistiques soient essentiellement collectives et extérieures à l'agent. En douterions-nous qu'il serait aisé de déployer justement un argument wittgensteinien, celui du langage privé, pour nous ramener dans le droit chemin? Mais pour cette raison même, on peut hésiter devant l'idée qu'une convention inconnue du locuteur détermine son contenu mental. Dans l'exemple de Birch, le patient connaît certaines règles d'usage du terme arthrite, mais en ignore d'autres, et c'est seulement pour des raisons contingentes qu'il a pu employer ce même mot sans que son erreur soit détectée, jusqu'à ce que la situation décrite dans l'expérience de pensée démarre. On lui impute des attitudes propositionnelles faisant intervenir littéralement la notion d'arthrite, car on tient qu'il maîtrise un assez grand nombre de conventions gouvernant l'usage du mot, même si visiblement il ne les maîtrise pas toutes. Mais reconnaître cela me paraît distinct du fait de soutenir que les conventions sont la cause du fait que le patient a une croyance incorrecte ici-bas et une croyance correcte et vraie dans le monde alternatif. Le point est en réalité de savoir dans quelle mesure la dépendance dont nous traitons est conceptuelle ou non. Il le sont ceci par un autre exemple. Si parmi les conventions gouvernant l'emploi du terme « eau », il y a la règle, qui au départ est une découverte, hein, mais c'est, pour parler comme Wittgenstein là aussi, c'est durci en règle ensuite, il y a donc la règle, la définition comme quoi l'eau c'est de l'H2O, il est tout à fait possible qu'un locuteur maîtrise tout un ensemble d'autres règles fixant l'usage de ce terme et ignore celle-là, quelqu'un qui aurait été franchement très peu scolarisé par exemple. On peut être réticent à dire que sa croyance est une croyance portant sur de l'H2O simplement sur la base du fait que l'on trouve bel et bien de l'eau, autrement dit de l'H2O, dans son environnement et non point quelque contrefaçon trompeuse, ou encore au motif que son environnement linguistique compte la règle concernée que précisément il ne connaît pas. Que l'eau ait un rôle causal dans le fait que quelqu'un ait des croyances portant sur l'eau constitue en un sens une assertion triviale. Mais le point est le suivant, à mon avis. Cela ne prouve pas que la différence entre l'eau et un autre liquide phénoménalement identique, mais qui ne serait pas de l'H2O, ait elle aussi un rôle causal dans la formation du contenu de croyance concerné. Même si la présence d'eau intervient dans le scénario conduisant à l'établissement de la croyance du sujet, qu'il a fait pas de l'eau en face de lui, il se peut que cette différence soit quant à elle sans pertinence causale. On est tenté de conclure que cette différence a un rôle à partir du moment où l'intéressé connaît le critère ou la règle permettant de l'établir. Dans un article que j'ai mentionné l'auteur, mais j'ai pas mentionné l'article, c'est l'article de Davidson qui s'appelle « Knowing One's Own Mind », connaître son propre esprit. Davidson cherche à montrer d'une manière qui me semble convergente avec les éléments que nous venons d'avancer, que la relation de présupposition entre états mentaux et réalité n'est pas conceptuelle. Il dit ceci, « Les états et événements individuels ne présupposent rien conceptuellement en eux-mêmes. Certaines de leurs descriptions peuvent le faire en revanche. » Mon grand-père paternel ne me présuppose pas, ça tout le monde le lui accordera, mais si quelqu'un peut être décrit comme mon grand-père paternel, il me présuppose. Si j'ai l'intention de signifier que j'ai de l'arthrite au genou, cette intention ne présuppose conceptuellement aucun individu autre que moi. En revanche, si cette intention est décrite comme une intention de signifier que j'ai de l'arthrite et non de la tartrite, une histoire causale se trouve impliquée, comme c'est le cas lorsque quelqu'un est non point, là c'est une analogie de Davidson, Saint-Nichburn, mais bel et bien Saint-Burn. Quelqu'un est Saint-Nichburn, c'est-à-dire qu'il est bronzé ou voire brûlé, mais en disant Saint-Niche, simplement, et non pas Sainte-Berne, on ne se prononce pas sur l'étiologie de l'état de sa peau. On entre dans aucune histoire causale, aucun scénario causal particulier. On dit simplement qu'il est Saint-Niche-Berne, mais on ne sait pas de savoir si c'est, je sais pas, des lampes qui ont produit ça dans tel ou tel salon aménagé à cet effet, ou vraiment le soleil. Cette analogie vise en tout cas à montrer qu'un état peut être une condition du sujet, comme la brûlure est une condition de la peau, tout en étant causé par un individu extérieur ou un objet extérieur, sur la nature duquel on peut être indifférent. Le fait d'être Saint-Niche-Berne, comme je le disais, peut être causé par le soleil ou indifféremment par quelque artefact susceptible de produire le même effet. Bref, être Saint-Niche-Berne n'implique pas conceptuellement l'intervention du soleil, et cette dernière expérience mentale nous met sur le chemin d'une conception du rôle de l'élément extérieur dans les états mentaux, débarrassé, à mon sens, d'une certaine mythologie causale. Et je voudrais terminer par une remarque, comme je l'annonçais, qui porte plus sur l'articulation mentale sociale, me semble-t-il. Ce n'est pas la même chose de se représenter le rôle de l'élément extérieur en question sur le modèle de la cause et de se le représenter sur le modèle, selon le modèle de la convention. Et à mon sens, Burge tente, peut-être à son corps défendant ou sans le dire complètement, une sorte de motion de synthèse entre les deux. Dans un article que je relisais il y a quelques temps d'Alasdair MacIntyre, philosophe britannique, je crois, bien connu, MacIntyre dit que quelqu'un ne peut faire que ce qu'il peut décrire. Autrement dit, on peut prendre le propos dans l'autre sens, une description d'une action doit, enfin, au moins idéalement, être accepté par celui qui l'accomplit, qui accomplit l'action en question. Je n'accepterai pas, par exemple, la description d'une de mes assertions en des termes qui me sont inconnus. Si je ne sais pas que l'eau, c'est de l'H2O, et que je forme une assertion portant sur l'eau, je n'ai aucune raison d'accepter une description de mon assertion en termes d'H2O, puisque, par hypothèse, je n'ai pas cet élément de connaissance. Et si je n'accepte pas telle description de mon assertion, je n'accepte pas non plus telle description correspondante de ma croyance. Lorsque l'on décrit les actions de quelqu'un, on fait intervenir des conventions. Lorsque je fais intervenir de telles conventions pour décrire le comportement linguistique, par exemple, de quelqu'un, je dois faire intervenir précisément des conventions que ce quelqu'un pourrait, le cas échéant, exprimer s'il était convenablement sollicité. Et ma conclusion est au fond que si les conventions sont bien, en un sens, quelque chose d'extérieur à l'individu ou à l'agent, il n'en est pas l'auteur, si par ailleurs elles doivent être bel et bien explicatives de ce que fait cet agent, elles ne peuvent pas être foncièrement inconnues de lui. Donc pour ma part, si externalisme il y a, je plaiderai pour une forme non causale d'externalisme qui... Et du coup, l'argument repose effectivement sur la notion de convention ou de règle implicite et pas sur l'idée d'une action causale de l'environnement physique ou social sur l'individu. Merci. La discussion est ouverte. On peut dire que ça donne quand même une règle assez restrictive parce que finalement la plupart des attributions qu'on peut avoir dans une interaction justement échapperaient à cette règle. C'est-à-dire que des règles qui sont reconnues par des tiers à partir desquelles je peux être jugé et que je devrais à un moment ou à un autre être amené à reconnaître peuvent m'échapper complètement et je pourrais ne pas y souscrire. En tout cas, je pourrais très bien ne pas reconnaître les termes de cette attribution à la base. Pourtant, à un moment, serait amené à faire. Ça a l'air d'être une composante vraiment très importante, enfin, me semble, de pas mal de relations sociales, on va dire. C'est quoi ? Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit idéalement. La situation est celle d'aveux, et il y a une remarque, les aveux ne portent pas simplement sur les règles, ça porte sur les raisons plus généralement, hein, c'est la question des raisons finalement. Et il y a une remarque de McIntyre dans le même article où il dit à propos de la psychanalyse par exemple que ce qu'elle a fait de plus intéressant, Davidson pourrait dire la même chose, c'est d'élargir très largement les contextes dans lesquels des aveux peuvent être obtenus et reconnus comme tels, comme des aveux. C'est pour ça que j'ai dit bien idéalement, c'est-à-dire qu'il y a en effet toutes sortes de situations où dans une interaction, dans le feu de l'action, les aveux spontanés de l'agent sont extrêmement pauvres. Et j'imagine qu'un ethnologue qui fait de l'ethnologie de terrain peut se trouver confronté à ce même genre de situation, c'est-à-dire qu'on lui demande, s'il demande pourquoi vous faites ça, ou c'est comme ça parce que c'est comme ça. Donc il faut effectivement une situation qui n'est pas toujours réalisée, loin s'en faut, pour obtenir de la part de l'agent des aveux qui soient profitables à l'enquête, au type d'enquête qu'on mène. Donc, enquête qui peut porter sur les règles, les conventions, ou plus généralement sur les raisons. Parce que c'est ça justement, dans la communication, l'intelligence de sa propre situation peut dire, finalement la description qu'on pourra donner, elle vient au fur et à mesure. Je ne suis pas sûr de te comprendre. Oui, enfin, c'était à peu près le même élément, mais c'est pour dire que. On aurait du mal à expliquer ce que c'est que, par exemple, un apprentissage de la façon de ce qu'on signifie, les mots, autrement que justement par le fait de se retrouver toujours dans une situation où on n'est pas capable de reconnaître au départ. Oui. Oui. La question, tu as fait un exposé qui rendait compte déjà de beaucoup de conceptions différentes et malheureusement la question porte sur une référence dont tu n'as pas parlé. Quelle relation tu ferais entre le type d'anti-individualisme dont tu retrouves l'origine notamment chez Wittgenstein et Putnam? Et l'anti-individualisme qu'on rencontre dans la philosophie sociale contemporaine française de Vincent Descombes, puisque Wittgenstein est une de ses inspirations, et que il me semble qu'on pourrait lui attribuer un externalisme du type global de celui que tu discutes. Oui, je pense que Descombes se rattache à. S'il faut lui attribuer un externalisme, c'est pas tellement ce que j'ai décrit comme externalisme causal, c'est plutôt effectivement ce que j'ai suggéré à la fin. Et quand tu dis par exemple l'image de ses contributions, c'est d'un esprit dont les contenus dépendent bien plus qu'on ne l'imagine ordinairement de traits du monde extérieur, éventuellement inconnus de l'agent lui-même, traits qui peuvent considérer en propriété physique ou être identifiés à des conventions sociales. Mmh. Il me semble que le type d'anti-individualisme, de holisme que soutient Descombes, serait subsumable sous cette caractérisation très large. Oui, à condition de ce que j'ai un peu fait à la fin de mon exposé, de raffiner ce qu'on entend par dépendre, parce que je ne pense pas que dépendre, Descombes entendrait ça au sens causal. Mais moyennant cette décantation du verbe dépendre, on arriverait probablement à quelque chose d'assez proche de ce que Descombes pense, pour autant que je puisse en juger. D'accord. Parce que ma question, ce n'est pas simplement pour ajouter une référence, mais c'est parce qu'on voit assez bien ce que veut dire la philosophie sociale de Descombes en sciences sociales, donc quelle conception il a de l'analyse sociologique, alors que c'est beaucoup plus difficile de voir ce que ce genre d'analyse faite par des philosophes peut signifier dans les sciences sociales. On le voit, mais à travers la notion, justement, la notion d'aveu, c'est-à-dire l'idée qu'on doit rendre raison c'est presque pléonastique. Rendre raison d'un comportement, c'est dans des termes qu'un agent pourrait accepter. Et donc c'est par ce biais-là qu'on retrouve des conventions qui sont, enfin entre autres, pas seulement des conventions, mais des conventions qui sont hors description, largement implicites. Alors il y a un point, si tu veux, auquel ta remarque me fait songer, qui est à mon avis une source d'obscurité, c'est que on trouve ça chez Descombes, je ne dis pas que ça soit obscur chez Descombes, mais est-ce que y a un élément chez chez Wittgenstein qui n'est pas totalement claire et que Descombes reprend, c'est cette histoire d'aveu que j'ai moi-même utilisé. Alors, le terme aveu, c'est Äußerung ou Ausdruck en allemand, c'est Avowals en anglais. Donc c'est vrai que le terme aveu a un côté un peu policier qui peut orienter dans une mauvaise direction. C'est pas tellement à ça que Wittgenstein pensait. Ce qui, Wittgenstein délimite les verbes psychologiques, ce qu'il appelle. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que j'en ai évoqué certains, croire, penser, etc. Et il dit que c'est que lorsqu'on les emploie à la première personne du présent, c'est même le critère qui les distingue des autres verbes. C'est-à-dire que être cyclotymique pour Wittgenstein, c'est pas un verbe psychologique au sens où il l'entend. Parce qu'il y a une différence sur ce qu'ils sont employés à la seconde, à la troisième personne, on dit tu crois ou il croit que, il pense que, etc. Là, c'est descriptif. Ça apporte une information sur si c'est exact, sur le contenu de l'esprit de quelqu'un. Donc si j'emploie ça à la première personne, je n'ai pas une relation cognitive avec un contenu mental qui serait bien. C'est pas une description de mon propre esprit que je donne, c'est j'exprime une croyance. Et donc il oppose exprimer. Vous déclarer ses intentions, c'est ce que j'ai appelé l'autorité discrétionnaire tout à l'heure, au fait de décrire ou d'apporter une information qui, en l'occurrence, porterait sur le contenu de mon propre esprit. Et donc on en est venu à opposer, et Wittgenstein ne le fait pas, c'est plus subtil que ça, ou quand il le fait, tout de suite après il met des bémols en disant non, c'est pas tout à fait ça. On en est venu à opposer du coup un peu frontalement ce qui est l'aveu, l'expression et la description. En fait, si j'avoue le contenu de mon esprit, des aveux sincères, j'avoue que telle est mon intention, en même temps je produis une description qui porte sur ma propre personne, prise comme un tout. Donc en fait, il y a deux fonctions qu'un énoncé peut avoir simultanément. Quelqu'un avoue, donc l'aveu porte sur ses intentions. Mais le même énoncé peut être descriptif. Simplement, dans un cas, le sujet logique de l'aveu, c'est l'intention, et dans l'autre cas, le sujet logique de la description, c'est la personne complète qui est porteuse de cette intention. Donc ça me paraît relativement un faux débat qui obscurcit plutôt. Cela dit, ce qu'en dit Descombes a plutôt tendance à clarifier les choses, mais je pense que cette opposition est puzzling, comme on dit en anglais. Et je crois qu'il ne faut pas imaginer qu'on met les énoncés dans deux enveloppes distinctes, expressifs d'un côté, descriptifs de l'autre. Enfin, un énoncé peut avoir simultanément ou concomitamment les deux fonctions. Mais un énoncé qui décrit une personne complète exprime, par exemple, l'intention de la pensée de cette même personne simultanément. Et donc, effectivement, dans la situation idéale dont on parlait, on espère recueillir les aveux sincères d'un agent ou d'un groupe d'agents. Sinon, on se fixe d'autres buts cognitifs, j'imagine, quand on n'est pas en situation de l'obtenir. Et il faut faire peut-être aussi d'autres distinctions, c'est qu'il y a quand même une différence logique entre présenter comme critère de bonne explication les aveux sincères et le fait de dire que, ce qui est à mon avis d'assertion plus large, que l'explication doit être couchée dans des termes que X pourrait accepter. Parce que il me semble que il y a un lien entre les deux choses évidemment, mais le second critère est sensiblement plus large que le premier et s'applique évidemment à toutes sortes de cas où les aveux, on n'est pas en situation de recueillir les aveux de qui que ce soit. Exposé à intimider. Ah bon. Peut-être une. Est-ce qu'on a le temps? Je sais pas. Oui, oui. Enfin, non. Enfin, deux minutes. Deux minutes, d'accord. Non, mais je voulais dire, la position est assez. Enfin, je reprends sur le même terme, mais là, en fait, ce que je veux dire plus précisément, c'est dans les conditions un peu élargies par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je trouve justement très restrictive. Enfin, les conditions restrictives, elles vaudraient que dans une relation où la réponse est possible en direct, d'une certaine façon. Quand je pense que dans beaucoup de situations de communication, on peut se retrouver avec l'effet de la signification attribuée à retardement. Et dans ce cas-là, ça rendrait, je vais essayer d'expliquer autrement, mais ça ferait plus pencher vers une analyse plus causale finalement de la chose, une détermination qui est plus causale que véritablement le fait de reconnaître soi-même une description Je veux dire par là que quand une attitude a été reçue, que vous avez adoptée, a été reçue par d'autres d'une certaine façon, elle va vous allez être forcé à terme de l'identifier comme signifiant cette chose-là, en dépit du fait que vous auriez été capable de le reconnaître au même moment, au même synchrone. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de situations qui sont loin, en tout cas, du niveau idéal. Oui, mais on en revient au point précédent. Ça, c'est même presque automatiquement le cas dans les situations. Idéales, mais c'est pour un certain type d'explication, c'est un principe qu'on fixe. Hein, mais c'est presque un principe moral, c'est ce que je veux dire. Non, ça je crois pas. Je pense pas que ce soit un principe en aucune façon. Morale, c'est simplement, d'une certaine manière, c'est presque une remarque grammaticale, simplement dépouiller ce que contient la notion d'explication intentionnelle ou explication par les raisons. Presque, par définition, une explication par les raisons, on imagine en posant qu'une explication est telle que si des conditions ont été réunies, l'intéressé pourrait la reprendre à son compte. Bon, il faudrait ensuite regarder des exemples hein, pour discuter de façon plus précise. On va s'arrêter là. Merci.